chronique du hockey mineur de Robertval. On vient de faire celle de Dolbeau avec. On va faire elle de Robertval avec Hugo Maltais. Salut Hugo. Hugo, il y avait une trêve de hockey mineur. Évidemment, il y avait un perfectionnement pour les entraîneurs. Yannick Jean était l'un des entraîneurs. Question, est-ce que Yannick, avec 6 victoires consécutives, alors s'il est rendu 7 parce qu'il a gagné hier, mais ça, la morale devait être meilleure pour donner sa clinique, hein? C'est clair que son moral était de beaucoup meilleur avec la victoire là, qu'il avait eu en plus là, le 12-1 à Bécomo du vendredi soir. Fait que c'est sûr que le dimanche matin, quand il est arrivé pour la clinique là, de 9h30 à 11h30, c'est sûr qu'il était beaucoup plus enclin à donner du temps. Puis c'est sûr qu'il était beaucoup plus de bonne humeur. Ça a été honnêtement là, la clinique de Yannick du dimanche matin, ça a été quelque chose là, de très, très, très, très, très intéressant. Je pense que pour la plupart des gens qui vont être là, ils vont être unanimes. Là. Yannick a donné une première heure sur les défenseurs. Okay. Donc, on sait là, que Yannick, en partant, c'était un défenseur, donc il y avait un bon bagage là-dessus. Puis il nous a parlé là, justement là, des points qu'on dans le hockey mineur, on devrait travailler là, dans l'atome, dans le Pee-Wee par rapport aux défenseurs. Puis il en faisait même avec des séquences vidéo, puis il est bien placé là, avec ses trois premiers choix, ses trois défenseurs qu'il a pris en première ronde, puis il montrait comment, là, même si c'était des choix de première ronde, puis même s'il y en a deux là, qui sont partis avec dans des tournois là, présentement cette semaine, comment les jeunes avaient des lacunes dans leur technique de base, même si c'était des premiers choix, puis comment ils devaient travailler avec ces jeunes-là. Puis ce que nous autres, on devrait peut-être les enseigner au départ, parce que, tu sais, oui, on les enseigne, mais des fois, on les enseigne pas les bonnes méthodes ou pas nécessairement les bons points tout de suite. Donc, ça a vraiment été là intéressant avec des séquences vidéo. Puis après ça, il nous a parlé de la communication. On a fini avec une période d'échange d'une vingtaine de minutes, justement, sur sa saison avec les Saguenayens, puis les parents, puis ainsi de suite. Fait que moi, en tout cas, j'ai chapeau à l'organisation. Puis à Yannick Jean, là, qui... Y a-tu relevé pas mal? Parce qu'on en parle pas, mais évidemment, il y a l'histoire des parents au niveau dans les arénas, mais au niveau Gion Major, il doit y avoir des problèmes aussi avec les parents. Y a-tu parlé de ça? Il en a parlé. Okay. Honnêtement, la première chose qu'il a parlé, puis ben le conseil qu'il a donné à tout le monde, puis c'est ce qu'il a donné au niveau là, du novice, puis même novice à Tôme, la première chose que vous devriez casser, puis que vous devriez, pour que tous les jeunes, c'est effectivement les parents. Okay. Puis oui, lui-même, à son niveau, là, il donnait des exemples, là, à son niveau, il dit, moi, je peux bien expliquer à un joueur, présentement, que, tu sais, il serait sur la troisième ligne, puis que ça serait le meilleur joueur en désavantage, parce qu'il dit, il commence, puis il faut lui montrer, puis ben, il dit, le jeune est tout d'accord avec ça, puis il dit, quand il appelle son parent, son père, pour lui dire qu'il a rencontré l'entraîneur, puis il veut le mettre sur le centre du troisième trio, puis être le premier désavantage numérique, et il y a le parent sans scandaliser, parce qu'il comptera pas des buts, parce qu'il se fera pas repêcher, puis parce que. Fait que même dans le junior major, ils ont gagné 12-1 vendredi, puis ils sont sur une séquence, puis il disait justement que samedi, il y a un père d'un joueur de 16 ans qui l'a appelé, puis qui veut le rencontrer. Fait que, c'est fait que oui, les parents sont encore. Il y a les parents, c'est sûr qu'en plus, il disait, il y a la présence là des agents. Il faut qu'ils comportent aussi, il faut qu'ils composent avec ça. Là. Puis il disait Yannick, ben il y a des choix justement que des fois on se prive de des choix parce qu'ils sont avec un tel agent qui sont plus tannants que les autres. Donc ça a fait vraiment une bonne. Ça doit être pire, Hugo. Ça doit être pire parce que là, t'es au junior major, t'es à la porte de la Ligue nationale, là. Et voilà, des repêchages. Puis là, tandis que t'as quelqu'un que t'es dans le novice ou dans le simplette, ou même dans le simplette, t'es des histoires, c'est moins pire, là, mais il y en a pareil. Là. Oui. Non, mais c'est clair qu'il y a affaire avec ces gens-là. Ouais. C'est sûr que c'est pas plus facile avec ces gens-là que puis peut-être probablement pire. Fait que ça a été une belle fin de semaine là, au niveau du perfectionnement. Puis après ça, ben les jeunes ont expérimenté là, dans la tombe 2C, les jeunes ont expérimenté un tournoi 3 contre 3, donc à bout de souffle. Fait que ça a été une belle formule, quelque chose, les parents et les jeunes ont bien apprécié ça. Fait qu'une belle fin de semaine là, pour Hockey Fennec Saint-Jean là, au niveau de la trêve de développement. OK. Maintenant, Saint-Pellette, qu'est-ce qui se passe avec nos équipes? Je sais qu'à Dolbeau, les ont commencé. Robertval, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais des problèmes avec des équipes Bantam. C'est-tu mieux, là? Oui, tout le monde, pas mal, tout est casé, honnêtement. Là, j'ai réussi, là, donc mon équipe junior, j'ai réussi à avoir un junior Saint-Pellette. dans le midget, j'avais un problème de gardien de but, je l'ai réglé, j'ai réglé mon problème, pas encore là, là. Saint-Félicien, M. Gagnon m'a appelé qu'il pourrait m'offrir un autre gardien de but. Fait que dans pas mal toutes mes catégories, là, tout est pas mal bien placé. Là, j'ai eu des demandes de sous-classement dans une catégorie parce que les petits bonhommes avaient trop de misère. Là, puis, donc, on a fait faire des évaluations. Fait que je te dirais que la machine là, est pas mal partie du bon bord. C'est tout là. Eh bien, huilée, là, donc on devrait plus avoir de... À la fin de semaine prochaine, donc on commence là, la dernière catégorie, le novice, donc à partir d'en fin de semaine, on va là, créer nos deux équipes novice A, nos deux équipes novice B. Mais pour le reste, là, ça va bien. Ça fait que ce soir, justement, on fait notre réunion là, des entraîneurs, des gérants, justement, là, de l'atome au junior pour les expliquer les règlements, le fonctionnement, pour que tout soit clair. Mais le début de saison, là... est décollé, puis tout est bien. Fait. OK. Maintenant, les tournois du mois de février, vous devez être commencé. Oui. Donc, comment ça va de ce côté-là? Oui, on regarde ça, les tournois, on regarde ça. Là, on a une 35 ou 36 équipes déjà qui ont réservé leur place pour le tournoi de février. Donc, il reste là, de moins en moins de place. Je pense que c'est le novice B qui reste 4 places. Sinon, c'est une place par catégorie. Donc, le coup que les équipes ont réservé leur place, on sait que notre nombre est correct. Ben là, à partir de là, à partir de la semaine prochaine, on va travailler là sur, on travaille vraiment là sur la conception du tournoi, les cadeaux, tout ça. Mais ça va, les équipes étant réservées notre tournoi, là, ça va super. Okay. Hey, dis-moi, je sais que c'est pas, vous appartenez pas au hockey mineur d'Orbeval, mais vous êtes un partenariat. Les Hurricanes de Mastillache au niveau bantam. Qui, année oui. après année, c'était une équipe incroyable. Oui. Cette année, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ben, la conjoncture a fait que le Bantam 2A nous a pris 10 joueurs de notre OK. Équipe. OK. Donc, en partant, je veux pas dire que... C'est sûr que si les 10 joueurs n'étaient pas allés là, ça veut pas dire qu'ils auraient pu faire du Bantam 2C parce qu'il y en a qui sont vraiment... qui auraient été surclassés midget parce que c'était à leur place. Mais on s'attend que sur les 10 joueurs, on pensait peut-être en avoir 4, ben, peut-être 5 qui allaient rester là. Mais on pensait pas qu'il y en avait là, 4 de même, 4 ou 5 également qui allaient rester Bantam 2A. Donc on pensait qu'elle allait arriver. Ça fait que là, t'en perds 4-5 que ouais. tu pensais. Ça fait que là, sont remplacés par 4-5 qui devraient pas être là. Ça fait qu'à un moment donné, l'écart entre les 4 que tu pensais qu'ils allaient revenir 2C, puis là, les 4 que tu pensais qu'ils allaient être A. Ben là, ça crée cet écart-là. Mais moi, honnêtement, personnellement, je pensais que ça allait être quand même pire que ça. Okay. Je suis pas nécessairement déçu de leurs résultats, de ce que je vois. Là. Ils vont se replacer, ils vont se placer, puis ils vont avoir une progression. Mais c'est sûr qu'il y a eu des heureuses surprises pour les jeunes qui ont fait le 2A, mais pour les organisateurs, ben c'est sûr que ça complexifie un peu le travail. Okay. On se reparle la semaine prochaine? Oui, donc, c'était l'instructeur chef, mais le président du hockey mineur de Roberval, Hugo Maltais.